France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Récit d'un récit, histoire d'un contrat amoureux, histoire d'un castrat, donc un peu tout de même histoire de castration, la mystérieuse nouvelle de Balzac, Sarrazine, en a intrigué, fasciné et passionné plus d'un. À commencer par Bataille, qui en 57, dans son avant-propos du Bleu du Ciel, met ce texte, alors encore assez méconnu, au plus haut de la littérature, aux côtés de L'Idiot, du Rouge et le Noir et de À la recherche du temps perdu. Quelques années plus tard, c'était Roland Barthes qui s'intéressait à Sarrazine dans un ouvrage intitulé SZ. S pour Sarrazine, protagoniste du récit dans le récit, et Z pour Zambinella, prima donna à la voix d'ange, dont Sarrazine tombe éperdument amoureux. En 1970, dans Arcane, Roland Barthes était invité à s'entretenir avec Jean Pagé de l'essai qu'il consacrait à la nouvelle de Balzac. Un travail qu'à un moment, à son micro, Barthes résumait ainsi. La description de la structure infinie du langage. L'infini du langage dans lequel est pris à un certain moment un texte qui passe. Un point, c'est tout. Arcane 70, Roland Barthes, à propos de son livre SZ, une émission diffusée la première fois, le 16 avril 1970, sur France Culture. Arcane, nom masculin. Arcane, terme d'alchimie. Arcane, opération mystérieuse. Arcane, étymologiquement arcanus, secret, de arca, coffre. Arcane, qui est caché dans le coffre et par conséquent caché à tous les yeux. Arcane 70, par Roger Pilaudin. Aujourd'hui, Arcane de l'édification collective d'une théorie libératrice du signifiant. Aujourd'hui, Jean Pagé s'entretient donc avec Roland Barthes, auteur de l'essai intitulé SZ, publié dans la collection telle qu'elle aux éditions du Seuil. Citation. Sarrazine, S-A-2-R-A-S-I-N, conformément aux habitudes de l'onomastique française, on attendrait Sarrazine avec un Z. Passant au patronyme du sujet, le Z est donc tombé dans quelques trappes. Or, Z est la lettre de la mutilation. Phonétiquement, Z est cinglant à la façon d'un fouet châtieur, d'un insecte érinique. Graphiquement, jeté par la main en écharpe à travers la blancheur égale de la page, parmi les rondeurs de l'alphabet, comme un tranchant oblique et illégal, il coupe, il barre, il zèbre. D'un point de vue balzacien, ce Z, qui est dans le nom de Balzac, est la lettre de la déviance, voire la nouvelle Z, Marcasse. Enfin, ici même, Z est la lettre inaugurale de la Zambinella, l'initiale de la castration, en sorte que par cette faute d'orthographe, installée au cœur de son nom, au centre de son corps, Sarrazine reçoit le Z zambinellien selon sa véritable nature, qui est la blessure du manque. De plus, S et Z sont dans un rapport d'inversion graphique. C'est la même lettre, vue de l'autre côté du miroir. Sarrasine contemple en Zambinella sa propre castration. Aussi, la barre qui oppose le S de Sarrasine et le Z de Zambinella a-t-elle une fonction panique ? C'est la barre de censure, la surface spéculaire, le mur de l'hallucination, le tranchant de l'antithèse, l'abstraction de la limite, l'oblicité du signifiant, l'index du paradigme, donc du sens. Roland Barthes, je voudrais avant toute chose que vous nous disiez pourquoi vous avez choisi ce texte assez peu connu finalement de Balzac. Eh bien, on ne sait jamais, vous savez, au fond, pourquoi on choisit un texte. Je veux dire qu'il y a des raisons d'ordre purement contingent. Alors, j'avais besoin d'un texte court, d'une trentaine de pages, disons d'une nouvelle, appartenant à la littérature classique, lisible, hautement lisible de notre temps, d'une part, pour pouvoir faire un travail minutieux d'analyse de détails, et d'autre part, j'avais besoin d'un texte malgré tout qui présente une certaine densité symbolique, une possibilité d'interprétation un peu riche. Et puis alors, je suis tombé, et c'est là que joue le hasard ou la contingence, et que par conséquent parle peut-être l'inconscient, et non plus la contingence, je suis tombé sur cette nouvelle de Sarrasine que je ne connaissais pas. Je ne crois pas d'ailleurs que je sois le seul à être dans cette ignorance, c'est une nouvelle pas très connue, dont avait parlé déjà Georges Bataille, ce qui était déjà un indice justement d'une sorte de richesse de secrets, de limites et d'ésotérisme, car Bataille s'est toujours intéressé à ce qu'on appelle maintenant des textes limites, des textes qui sont en quelque sorte à la limite même de leur propre auteur, et ce texte de Balzac repris ou signalé déjà par Georges Bataille l'avait été une fois encore, une seconde fois, par un psychanalyste, Jean Reboul, qui en avait fait une analyse, alors centrée évidemment sur le problème de la castration, puisque Sarrasine est au fond une histoire de castration. Alors pour ce qui est de la méthode critique, n'est-ce pas, vous parlez d'abord du critique tel que on le concevait au Moyen-Âge, et vous distinguez un certain nombre de critiques possibles, et vous dites que vous vous êtes efforcé alors vous-même de réunir toutes ces formes de critiques pour amplifier la vôtre, n'est-ce pas ? Oui, je me suis servi de l'image ou de la figure ou de l'emblème du Moyen-Âge, parce que c'est une époque donc d'une part fort lointaine pour nous, d'autre part très peu connu et qui par conséquent a une sorte de fonction, un certain pouvoir de distance par rapport à nos habitudes, et il faut toujours se servir des distances parce qu'au fond c'est ce qui nous manque toujours le plus quand nous travaillons. Et or au Moyen-Âge il y avait un problème extrêmement précis, le Moyen-Âge vous savez ne produisait pas à proprement parler de textes littéraires originaux, tout au moins dans le cadre de la culture, disons, universitaire, et il ne s'occupait que des textes de l'Antiquité, grecque et latine. Il avait donc uniquement ce que nous appellerions aujourd'hui le critique, avait à cette époque-là, c'était en général un maître ou un professeur, n'avait qu'une fonction, disons, de gestion d'un texte très antérieur, très ancien. Alors je me suis mis en quelque sorte dans la position d'être moi-même le gestionnaire d'un texte relativement ancien par rapport à notre modernité, qui est un texte de Balzac. Et alors là, j'ai essayé à la fois de faire ce qu'on faisait au Moyen-Âge sur un texte, c'est-à-dire de le copier. Et effectivement, en une certaine mesure, j'ai copié le texte de Balzac, puisqu'il est réimprimé dans mon propre commentaire. J'ai, comme on dit, compilé, c'est-à-dire que j'ai utilisé, sans aucune espèce de restriction, des idées, même des formulations qui me viennent de ma culture, c'est-à-dire de mes contemporains principalement, des chercheurs, des écrivains, des philosophes, des psychanalystes qui travaillent autour de moi. Et j'ai malgré tout été l'auteur du commentaire dans la mesure où j'ai pris moi-même la responsabilité d'une certaine reconstruction du texte balzacien. Sarrasine partit pour l'Italie en 1758. Pendant le voyage, son imagination ardente s'enflamma sous un ciel de cuivre et à l'aspect des monuments merveilleux dont est semée la patrie des arts. Il admira les statues, les fresques, les tableaux,

et d'un timbre argenté, souple comme un fil auquel le moindre souffle d'air donne une forme qu'il roule et déroule, développe et disperse. Cette voix attaquait si vivement son âme qu'il laissa plus d'une fois échapper de ses crises involontaires, arrachées par les délices convulsives trop rarement données par les passions humaines. Le lendemain, il envoya son laquais louer pour toute la saison une loge voisine de la Seine. Puis, comme tous les jeunes gens dont l'âme est puissante, il s'exagéra les difficultés de son entreprise et donna pour première pâture à sa passion le bonheur de pouvoir admirer sa maîtresse sans obstacle. D'abord, il se familiarisa graduellement avec les émotions trop vives que lui donnait le chant de sa maîtresse. Puis, il apprivoisa ses yeux à la voir et finit par la contempler sans redouter l'explosion de la sourde rage par laquelle il avait été animé le premier jour. Sa passion devint plus profonde en devenant plus tranquille. Du reste, le farouche sculpteur ne souffrait pas que sa solitude peuplée d'images, parée de fantaisie, de l'espérance et pleine de bonheur, fut troublée par ses camarades. Il aimait avec tant de force et si naïvement qu'il eut à subir les innocents scrupules dont nous sommes assaillis quand nous aimons pour la première fois. En commençant à entrevoir qu'il faudrait bientôt agir, intriguer, demander où demeurait la Zambinella, savoir s'il avait une mère, un oncle, un tuteur, une famille, en songeant enfin au moyen de la voir, de lui parler, il sentait son cœur se gonfler si fort à des idées si ambitieuses qu'il remettait ses soins au lendemain, heureux de ses souffrances physiques autant que de ses plaisirs intellectuels. Vous étudiez d'une façon très minutieuse dans cet essai tout le texte de Balzac, que vous coupez parfois d'une façon qui pourrait sembler arbitraire. Oui, elle est arbitraire. Là, c'est un nouveau problème que je me suis posé, et cette fois-là, un problème, disons, d'exposition, un problème d'écriture. J'avoue que j'éprouvais depuis un certain temps une sorte de lassitude à l'égard, disons, du genre de l'essai lui-même tel qu'il est conçu, d'ailleurs tel que moi-même j'en ai écrit bien souvent, à savoir la dissertation. J'avais une sorte d'intolérance à faire une dissertation sur un texte de Balzac, c'est-à-dire à écrire un discours suivi, continu, bien développé, bien articulé et bien développé. Et j'étais au fond très fasciné par la recherche possible d'une forme, à l'intérieur de l'essai, n'est-ce pas, j'insiste bien, à l'intérieur de l'essai, où c'est tout de même nouveau, la recherche d'une forme possible d'exposition par fragment, par discontinuité. J'ai donc disposé, au fond, j'ai égrené, en quelque sorte, le long de mon commentaire, de très courtes, petites digressions qui ont tout de même à chaque fois une valeur théorique, en gros. C'est-à-dire qui prennent parti sur une certaine théorie de l'écriture et de la lecture. Alors, ce qui vous intéresse là, précisément, c'est l'étude alors de ce discours, n'est-ce pas ? La nouvelle est évidemment examinée très minutieusement, mais en même temps, vous faites l'étude du discours lui-même. Oui, c'est-à-dire que, bon, c'est une recherche qui se place dans la perspective de ce qu'on appelle la sémiotique littéraire, et par conséquent, qui s'intéresse essentiellement, disons, pour parler couramment, au problème de forme et non pas au problème de contenu. Alors à ce moment-là, j'ai essayé d'analyser minutieusement le discours de la narration, du récit. Comment est-ce qu'un récit est écrit ? On aurait dit autrefois comment est-ce qu'il est composé ? Selon quelles règles d'agencement ? Quelles sont les unités qui interviennent dans une histoire, dans une anecdote ? Les unités, c'est-à-dire les éléments. Et comment ces éléments sont-ils combinés, agencés, y a-t-il au fond une sorte de grammaire du récit qu'on pourrait reconstituer et qui permet au récit d'être lisible et de nous intéresser. Voilà un peu le genre de problème formel, si vous, volontairement formel, que je me suis posé. Là intervient aussi alors cette méthode structuraliste dont vous êtes un des garants. Oui, c'est-à-dire structuralisme, il vaut mieux ne pas polémiquer sur le mot, qui est un mot à la fois commode et dangereux, puisqu'il recouvre des expériences et des recherches tout de même très différentes. Je préférerais dire, ça serait plus loyal et plus précis, que ce que j'ai fait là se rattache à ce qu'on appelle maintenant la sémiotique littéraire ou la sémiologie littéraire, c'est-à-dire, au fond, l'étude des textes, et notamment des textes dits littéraires, à l'aide de certains concepts hérités de la linguistique, qui sont des concepts sémiologiques, c'est-à-dire se référant à une sorte de science des significations. Citation. Il se trouvait dans cette création inespérée de l'amour à ravir tous les hommes et des beautés dignes de satisfaire un critique. Référence, psychologie de l'artiste. Sarrazine dévorait des yeux la statue de Pygmalion, pour lui descendu de son piédestal. Symbolique, Pygmalion, la réplique des corps. Quand la Zambinella chanta, code des actions, théâtre, 2.8, 2.R de la vedette. Ce fut un délire. Code des actions, séduction, 2.4, 2.délire. Le délire est intériorisé. C'est un état synesthésique. Froid, chaud. Alors que la folie, numéro 235, détermine un petit acting out qui sera l'orgasme. L'artiste eut froid. Code des actions, séduction. 2.5, délire, froid. Puis il sentit un foyer qui pétilla soudain dans les profondeurs de son être intime, de ce que nous nommons le cœur, faute de mots. Code des actions, séduction. 2.6, 2. délire, 2. chaud. 2 étoiles, référence, l'euphémisme. Le cœur ne peut désigner que le sexe. Entre guillemets, faute de mots. 2. ce mot existe, mais il est malséant, tabou. Vous dites qu'à un certain moment, le narrateur cesse d'être le narrateur, qu'il peut être aussi bien Sarrazine à d'autres moments, et d'autre part que le lecteur devient lui-même parfois, sinon le narrateur, du moins celui qui pourrait souffler au narrateur ce qu'il a à dire. Oui, ça alors c'est un projet général, enfin disons que c'est une hypothèse de travail général de la sémiotique littéraire, ou même du structuralisme si vous voulez, à savoir qu'il faut essayer de se déshabituer de penser le personnage en termes réalistes, comme c'est-à-dire comme doué d'une psychologie réelle, référentielle, comme on dit, c'est-à-dire garantie par une sorte de réalité, même imaginaire, et au contraire qu'il faut penser le personnage d'un récit, d'un roman, d'une nouvelle, comme, disons, un être de papier, c'est-à-dire qui agit selon des lois qui ne sont pas des lois venues de la réalité, mais des lois venues du papier, en quelque sorte, des lois venues de ce qu'on appelle l'instance du discours. Le discours, l'instance du discours, impose de dire certaines choses, empêche de dire certaines autres choses, et c'est cela qui est la loi au fond du récit, et non pas du tout des contraintes de type empirique ou réel. Vous voyez, c'est une position de départ, disons, c'est une position de travail. Cependant, vous faites aussi la part à tout ce qui est social dans ce discours, n'est-ce pas? Tout ce qui est imposé par la société, oui, du moment. Oh ben ça s'est imposé à moi, quand bien même je n'aurais pas voulu le faire. Le texte de Balzac est un admirable exemple, non pas de déterminisme socio-littéraire, mais disons d'inscription d'une certaine histoire sociale, qui est celle de la première moitié du XIXe siècle, dans un texte, n'est-ce pas? Il y a vraiment, disons, un texte historique, au sens très large du terme, qui est réimprimé ou surimprimé par Balzac, puisque, au fond, cette nouvelle de Sarrazine, tout en étant une histoire de Castrat, est aussi une histoire qui met en cause, selon alors un projet éthique bien balzacien, qui met en cause la condamnation de l'argent, de l'or, de la fortune, des fortunes parisiennes qui, dans ce moment-là, d'essor

Mais non, tu vivras. Te laisser la vie, n'est-ce pas te vouer à quelque chose de pire que la mort ? Ce n'est ni mon sang, ni mon existence que je regrette, mais l'avenir et ma fortune de cœur. Ta main débile a renversé mon bonheur. Quelle espérance puis-je te ravir pour toutes celles que tu as flétries ? Tu m'as ravalé jusqu'à toi. Aimer ! Être aimé sont désormais des mots vides de sens pour moi comme pour toi. Sans cesse, je penserai à cette femme imaginaire en voyant une femme réelle. Il montra la statue par un geste de désespoir. J'aurai toujours dans le souvenir une harpie céleste qui viendra enfoncer ses griffes dans tous mes sentiments d'homme et qui signera toutes les autres femmes d'un cachet d'imperfection. Monstre ! Toi qui ne peux donner la vie à rien, tu m'as dépeuplé la terre de toutes tes femmes. Sarrasine s'assit en face du chanteur épouvanté. De grosses larmes sortirent de ses yeux secs, roulèrent le long de ses joues mâles et tombèrent à terre. De larmes de rage, de larmes âcres et brûlantes. Plus d'amour. Je suis mort à tout plaisir, à toutes les émotions humaines. À ces mots, il saisit un marteau et le lança sur la statue avec une force si extravagante qu'il la manqua. Il crut avoir détruit ce monument de sa folie, et alors il reprit son épée et la brandit pour tuer le chanteur. Zambinella jeta des cris perçants. En ce moment, trois hommes entrèrent et soudain le sculpteur tomba, percé de trois coups de stylet. Je voudrais savoir, Roland Barthes, à la suite de ces quelques secrets que vous avez révélés de votre travail, je voudrais savoir ce que vous entendez par la position du critique, ce que doit être le critique à votre avis aujourd'hui, le critique qui se penche justement sur un texte ancien comme celui-là. J'ai essayé de dire au fond qu'il n'y avait plus tellement lieu qu'il y ait des critiques. Je veux dire qu'on peut continuer à faire de la critique, j'entends de la critique de structure, la critique de fond, bien entendu. L'autre a toujours sa fonction sociale, ça va de soi. Mais la critique de fond, la critique de structure, à mon avis, elle doit être dissoute, dissipée et remplacée par une activité beaucoup plus large qui a toujours pour objet le texte littéraire ancien, mais qui est une activité beaucoup plus de linguiste, de sémioticien ou même d'écrivain. La différence, si vous voulez, c'est que ce qu'on appelle ordinairement le critique, c'est quelqu'un qui interroge avec beaucoup de minutie, souvent beaucoup de subtilité, un texte pour lui arracher ce qu'on appelle son secret. Ce secret dépend des critiques. Ça peut être un secret de type sociopolitique dans une critique marxisante. Ce peut être un secret de type symbolique dans une psychocritique, dans une critique psychanalytique comme celle qu'a faite Moron, n'est-ce pas ? Ça peut être un secret d'ordre, disons, existentiel dans la critique thématique. Mais de toute manière, le critique, ordinairement jusqu'à présent, c'était quelqu'un qui déchiffrait un texte pour trouver ce que ce texte voulait dire au fond, en profondeur, en vérité, en secret. Alors qu'à mon avis, maintenant, le travail n'est pas du tout de savoir quel est le secret ou la vérité d'un texte, même si c'est très difficile à savoir, c'est plutôt de décrire les formes, je le répète, la grammaire du récit, selon laquelle plusieurs critiques sont toujours possibles. Donc il ne s'agit plus d'être le critique d'une vérité, il s'agit plutôt d'être, comment dirais-je, l'écrivain d'une pluralité qui s'exprime dans un texte ancien. Un point, c'est tout. Et quand vous dites l'écrivain d'une pluralité, est-ce que vous ne donnez pas quelques raisons aux gens qui vous reprochent d'aller trop loin ? Ah, d'aller trop loin, non, parce que je dirais même que ma formulation est presque trop timide, dans la mesure où elle pourrait vous faire croire que je suis partisan d'une attitude libérale à l'égard du texte, autorisant donc plusieurs interprétations dans un texte. Non, en réalité, c'est là, disons, une position dans l'enjeu est, il faut bien le dire, philosophique. Il s'agit d'atteindre à une sorte d'essence du pluriel, il s'agit de savoir ce que c'est que le pluriel, ce que c'est que la pluralité, et donc de préparer par des méthodes de travail appropriées la description, enfin il faut être patient et prudent, la description de cette espèce de structure infinie du langage. Cet infini du langage dans lequel est pris à un certain moment un texte qui passe. Un point, c'est tout. C'était Roland Barthes à propos de son livre SZ au micro de Jean Paget dans Arcane 70, diffusé la première fois le 16 avril 1970 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.